Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Emmanuel Cauchy, médecin urgentiste, également guide de haute montagne, est mort le 2 avril dernier. Il est mort emporté dans une avalanche alors qu'il évoluait dans le massif des Aiguilles Rouges à Chamonix avec un groupe de randonneurs à ski. Et comme chaque saison, la montagne a beaucoup tué en France et ailleurs. Les montagnes sont vivantes, c'est pas juste des tas de cailloux et des bouts de neige qui sont accrochés sur les cailloux. Il y a de la vie, comme on parle de la force tellurique, je veux dire, pour moi les montagnes ont une âme, elles sont pas juste minérales. Une autre alpiniste morte, elle, sur les pentes du Dolagiri au Népal, il s'agissait de Chantal Mauduit, disparue le 13 mai 1998 au Népal à l'âge de 34 ans. Bonjour Bastien Soulé. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous dirigez le Elvis à l'Université de Lyon. On parle de taux de mortalité qui sont absolument effrayants chez les guides de haute montagne, jusqu'à 20% de mortalité. Alors c'est une profession effectivement qui est très exposée. On a beaucoup de chiffres plus ou moins alarmants qui circulent. Les plus sérieux, moi, qui me semblent être actuellement disponibles, sont ceux qui sortent d'une thèse de médecine récente, en 2015, et qui évaluaient le taux annuel de mortalité chez les guides de haute montagne à 4,35 par an pour 1000 guides. Et pour comparer, on sait que dans la population masculine française, on est plutôt à 0,06 décès au travail par an pour 1000 personnes. Donc on est vraiment à, effectivement, de 4,35 à 0,06. Je vous laisse donc constater le gap qu'il y a entre les deux chiffres. Donc effectivement, une surmortalité importante. Alors, on comprend bien que la montagne est dangereuse, mais au-delà de ça, que peut-on dire par exemple de la disparition d'Emmanuel Cauchy? C'était un homme très connu, on l'appelait le médecin vertical, un alpiniste aguerri. Qu'est-ce qu'il est possible de dire sur cette catastrophe, une de plus? Alors sur cet accident en particulier, je pense qu'il est bien trop tôt pour tirer une analyse de la situation et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on est en mesure de faire, par contre, de plus en plus, c'est de tirer des enseignements sur des plus longues périodes, et essayer d'avoir des éléments sur les circonstances accidentelles, les profils de victimes. Et là-dessus, on a, depuis quelques années, des chiffres plus stables qui nous permettent de sortir, du cas particulier. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme conclusion, même provisoire, à ce sujet? D'abord, il faut... Sur les grands chiffres, on peut être un petit peu rassuré, même si effectivement la période est assez dramatique, parce qu'on a une stabilité du nombre de décès. Chaque année, on a une trentaine de personnes qui meurent en France dans une coulée d'avalanche, ensevelie. Et ce chiffre est stable depuis 40 ans. Et quand je dis que c'est plutôt rassurant, c'est parce que finalement, même si à chaque fois c'est un cas dramatique, dans le même temps, les personnes qui pratiquent le ski hors-piste, le snowboard hors-piste ou le ski de randonnée, c'est un volume qui a largement augmenté. Donc on peut supposer que l'exposition, finalement, a baissé, puisqu'on est sur une stabilité du nombre de décès, une trentaine par an en moyenne, alors que les personnes qui fréquentent les pentes à risque sont probablement beaucoup plus nombreuses qu'auparavant. Et donc, lorsque l'on considère cette masse d'accidents, essentiellement chez des gens d'ailleurs qui sont aguerris, parce que c'est ça en fait... La chose qui surprend le plus, on a affaire à des gens qui sont extrêmement au fait des dangers de la montagne. C'est vrai que nous on a réalisé un état des lieux avec mon équipe de recherche et soutenu par la Fondation Petzl et qui montre deux choses qui sont vraiment marquantes et qui sont maintenant bien connues dans le milieu de la montagne. C'est que d'abord le profil type de la victime d'accident d'avalanche ou d'alpinisme plus largement, c'est plutôt quelqu'un qui est aguerri, qui est un expert ou du moins un pratiquant confirmé, qui n'est pas un jeune pratiquant, souvent des gens qui ont plutôt 40-50 ans, très majoritairement des hommes. issus de régions de montagne, donc qui connaissent l'environnement, et puis qui sont souvent capables, parce qu'ils ont des connaissances nivologiques, donc sur l'étude de la neige, parce qu'ils connaissent bien les secteurs qu'ils fréquentent, ils sont souvent capables d'analyser les risques. Et ce sont des pratiquants réguliers. Donc ça, c'est le profil type de la victime. C'est pas tellement surprenant parce que finalement, bien sûr, c'est comme un conducteur qui fait 50 000 km par an. Il s'expose beaucoup plus à l'accident que quelqu'un qui roule seulement 5 ou 10 000 km par an. Là, c'est la même chose. Les personnes qui sortent quasiment chaque week-end et 2-3 fois par semaine sont bien sûr plus exposées au risque de chute, d'avalanche, etc. Bah, on aurait quand même tendance à dire que c'est plutôt des jeunes têtes brûlées. Alors, je ne sais pas du tout si c'est la réalité, mais en tout cas, dans les représentations, c'est ce qu'on se dit plutôt. On a tort, Bastien Soulet ? Je pense qu'on a tort et que la plupart maintenant des acteurs du secours, de la prévention des risques en montagne savent que on s'est peut-être un petit peu trompé pendant des années à penser qu'il fallait informer le touriste, le parisien, entre guillemets, celui qui n'est pas d'une région de montagne, l'informer parce qu'il serait ignorant des dangers, parce qu'il irait en tongs sur un glacier, etc. Bien sûr, ce sont des cas très particuliers qui peuvent se produire, mais le profil type de la victime est très très éloigné de ce que je viens de décrire. Il y a un autre élément qui est intéressant en termes de circonstances accidentelles. Bien sûr, il y a des dangers objectifs, des crevasses, des chutes de pierres qui sur certains secteurs de montagne sont très dangereux, mais on se rend compte aussi que quand même, il y a pas mal d'accidents qui se produisent sur des passages relativement faciles, à des moments où on peut supposer qu'après avoir surmonté une difficulté spécifique, il y a un relâchement, on peut se désencorder, on peut éventuellement savourer ce qu'on a réussi. Et donc, les accidents qui se produisent sur des passages peu techniques ou à la descente, avec la fatigue accumulée, sont relativement importants, y compris chez des pratiquants aguerris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement que, alors c'est un peu terrible à dire, mais ça veut dire que même des gens qui sont extrêmement aguerris, à un moment, voient leur vigilance relâchée ? C'est ce qu'on peut supposer. Alors là, on n'a pas forcément de résultats très précis. On peut supposer qu'il y a une mobilisation de techniques, de matériel, de parade, entre guillemets, sécuritaire, qui est très forte sur des passages qui sont clairement identifiés comme étant engagés, dangereux, où la chute ne pardonne pas. Et que, à d'autres moments, dans cet environnement, on peut effectivement avoir un relâchement de l'attention, de la vigilance, une prise de distance par rapport à des consignes classiques de vérification de l'encordement, du bon port du matériel, qui peuvent être effectivement à l'origine d'accidents, quand bien même la difficulté du passage notamment, n'est pas forcément très élevé. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous évoquez, Bastien Soulet, des accidents qui vous paraissent vraiment typiques de cette situation-là ? Alors, des exemples précis, c'est compliqué, mais en tout cas, une tendance à avoir effectivement des accidents qui se produisent juste après avoir réussi un passage difficile, au moment où on atteint un sommet où on amorce une redescente alors qu'on s'est désencordé, que parfois on n'a plus forcément les chaussures adaptées au terrain parce qu'on a mis d'autres matériels pour entamer une montée. C'est quelque chose qui se produit dans les descentes aussi, après avoir, en alpinisme notamment, ou en escalade en terrain d'aventure, après avoir franchi des difficultés importantes, on a des gens qui ont un accident bête, entre guillemets, mais voilà, qui se produit souvent, c'est des glissades sur des névés, donc des petites plaques de neige sur un chemin à la descente, ou sur un terrain humide, un peu comme un randonneur qui finalement ferait un pas de côté et peut parfois être accidenté assez lourdement. Et puis, on a également dans l'actualité la mort d'alpinistes, alors là, qui sont des alpinistes très chevronnés. On pense, par exemple, au coéquipier d'Elisabeth Revol. Beaucoup de gens avaient été extrêmement frappés par cette actualité tragique. C'était en janvier 2018. Elisabeth Revol, donc, et son coéquipier Thomas Makiewicz sont allés en montagne sur l'un des sommets de l'Everest, le Nanga Parbat, et seule elle est redescendue. Pour la première fois depuis son sauvetage au Pakistan, l'alpiniste Elisabeth Revol revient sur les dernières heures de son aventure. Quand je suis descendue au bout de la première nuit, en fait, le secours n'est pas arrivé, donc j'ai dû passer une nuit en fait, à l'extérieur sans équipement. Sans duvet, sans tente, sans nourriture, sans rien, simplement avec ma combi. En fait, ce qui s'est passé aussi pour les pieds, c'est que j'ai eu des hallucinations en fait pendant la nuit. Et j'imaginais en fait qu'il y avait des personnes qui m'amenaient du thé chaud, des bouteilles d'eau chaude. Et à un moment donné, en fait, pour remercier cette personne, il y a une dame qui me dit « Mais est-ce que je peux prendre ta chaussure ?» Parce que voilà, je t'ai amené quelque chose de chaud, maintenant tu te sens mieux, donc est-ce que je peux prendre ta chaussure ? Et à ce moment-là, en fait, machinalement, je me lève, j'enlève ma chaussure et je lui donne ma chaussure. Et le matin, en fait, je me suis réveillée, j'avais simplement la chaussette, ma chaussure était tombée dans la crevasse. Et je regarde ma chaussette et je fais « Mais il s'est passé quoi ?» Alors ça, c'est, je crois, peut-être la hantise des pratiquants hors du commun, hein, qui sont dans une pratique élitiste, hein, de l'alpinisme ou de l'himalayisme de très haut niveau. C'est devoir laisser quelqu'un, devoir laisser un compagnon de cordée dans des conditions de survie difficiles ou même dans des conditions dont on sait qu'elles vont provoquer le décès. Certains, d'ailleurs, sont morts en montagne pour ne pas avoir pris cette décision suffisamment tôt. Ça a été le cas dans certains accidents célèbres sur l'Everest. Du coup, c'est vrai que là, on parle d'une pratique très particulière hein, qui engage dans des conditions extrêmes d'expédition. Et ici, on est dans des cas où effectivement l'accidentalité, donc la fréquence des accidents et la létalité, la mortalité sont très élevées. On a des chiffres relativement clairs qui montrent ça sur notamment l'Everest, hein, qui est quand même, malgré la proposition de l'expédition commerciale sécurisée avec des porteurs, des guides, etc., ça reste une pratique qui est très exposée. Du coup, est-ce que ces gens-là, puisque vous les avez observés avec votre équipe de sociologues, Bastien Soulet, est-ce que ces gens-là intègrent le fait qu'ils peuvent mourir ? On a rappelé les chiffres de mortalité, ils sont quand même incroyablement élevés. Comment ça se passe, leur rapport à la mort ? Alors c'est vrai que nous, on s'intéresse davantage aux pratiquants ordinaires, j'ai envie de dire, mais qui n'ont pas forcément tous un rapport très différent à la mort que ces pratiquants hors du commun. Je crois qu'Emmanuel Cauchy avait aussi déjà, lui, dit que la mort faisait partie du jeu. Voilà, donc elle est intégrée. Les pratiquants de la montagne, notamment les alpinistes, hein, les pratiquants du ski alpinisme, etc., savent effectivement que la mort est présente, ne serait-ce que parce que les pratiquants aguerris, expérimentés, ont tous déjà perdu un proche hein, dans ce type d'accident. Donc, elle fait partie intégrante de l'activité. Mais c'est quand même pas banal comme sensation, comme sentiment. Il y a peu d'autres activités. Si vous posez la question à des joueurs de tennis, à des cyclistes, bref, toute une série de sportifs, y compris de haut niveau, personne ne se dit ça généralement. Évidemment, parce que l'exposition est très différente et les conséquences d'un accident, dans ce cas-là, sont très rapidement dramatiques hein, en ce qui concerne les pratiques de montagne. Ce qu'on retient, nous, finalement, de nos travaux hein, sur ce type d'accident et notamment d'incident, on s'intéresse aussi aux presque accidents. Hein, on demande à des personnes de témoigner de ce qu'elles ont vécu comme mésaventures en montagne et on se rend compte, finalement, que dans certains cas, il y a ce qui peut surprendre, une forme de banalisation hein, de ce risque parce que on connaît bien le terrain, parce que on l'a fréquenté 10, 15, 20 fois sans qu'il y ait le moindre problème et on peut avoir ce que les psychologues appelleraient un biais de familiarité hein, qui fait qu'on ne réanalyse plus systématiquement et régulièrement les risques, ce qui peut conduire à s'exposer notamment à des avalanches. Avec donc là aussi une sorte de logique où plus on est expérimenté, plus on court de risques. C'est vrai que l'expérience a un caractère un peu ambigu dans ce type de pratique, puisqu'elle génère une capacité motrice, technique, à se sortir de situations extrêmement délicates. Elle génère aussi une capacité d'analyse de la situation, mais elle peut aller de pair parfois avec une prise de risque accrue qui serait liée à une trop grande confiance en soi, à au fait d'avoir en mémoire toutes les réussites qu'on a déjà pu vivre et donc à une banalisation du danger lié à certaines pratiques ou à certaines conditions, notamment d'enneigement et de météo. Merci beaucoup Bastien Soulet. Je rappelle que vous êtes sociologue, que vous dirigez le ELVIS, une équipe de recherche de l'Université de Lyon. Superfell a été gâché par Anaïs Isebaer, piétiné par Jean-Guilain Meige et définitivement raté par Alexandre Fougeron. Superfait.